Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a donné sa réponse le 8 courant à la question d'un correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée relativement à ce que les États-Unis diffusent les bruits hypothétiques dont l'enlèvement d'un Américain par la Corée du Nord. Il a dit notamment « Il y a 2 ans, l'étudiant américain Sneddon est porté disparu au cours de son alpinisme dans un pays étranger. À ce propos, le gouvernement de ce pays-là a fait part de ses conjectures au département d'État américain et à la famille du disparu, selon lesquelles il est probable qu'il soit mort par immersion dans un fleuve. Nonobstant, les États-Unis dénoncent aujourd'hui notre pays sans aucun fondement. Il s'agit d'un complot inventé par la bande d'Obama en vue de ternir l'image de notre République sur l'arène internationale en mettant en relief le problème imaginaire des droits de l'homme dans le but d'éviter le sort lamentable dû à l'échec général de la politique d'hostilité vis-à-vis de la Corée. Les arguments américains de nulle valeur sont d'une fraude et nous les rejetons totalement. »